Est-ce qu'il n'y a pas sur le continent africain une renaissance quand même? Est-ce que l'Afrique n'est pas également aussi en train de vivre un nouvel ère avec une nouvelle génération des Africains qui voient les choses autrement? Et peut-être en espérant, peut-être en comptant aussi sur des dirigeants aujourd'hui. Absolument. L'événement que nous sommes en train de commenter, celui de la relation franco-africaine, a lieu dans une Afrique qui est complètement transformée. Et d'un point de vue démographique, plus de 80% de la population africaine a moins de 40 ans. D'un point de vue culturel, le gros de la population africaine se retrouve aujourd'hui ouvert sur le tout monde à travers les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, les téléphones portables, les ordinateurs, l'Internet. L'Internet se trouve même à l'intérieur de nos campagnes. On sait, entre autres, que la monnaie électronique a été inventée spontanément par des Africains des campagnes, par nos parents qui cultivent la terre et qui, pour communiquer en tout et pour tout, s'étaient mis à utiliser leur téléphone portable comme un lieu de réserve de valeur financière. Au sens où on a transformé les unités de téléphone portable en unité monétaire permettant d'acheter du savon, d'acheter des boîtes d'allumettes, d'acheter toutes les commodités en l'absence de biais bancaires réels. Donc il y a une transformation dans le cadre de la globalisation technologique, eh bien, de la population africaine, qui fait que cette population n'est plus focalisée sur ce que raconte RFI, ce que dit France 24, ce que pense l'intelligentsia de la place de Paris. Vous savez, il fut un temps. Et mon enfance camerounaise a été marquée par ce phénomène, où pour savoir ce qui se passait au Cameroun, pour savoir ce qui se passait en Afrique noire, Fallait suivre les filles. il fallait écouter RFI. Oui. Il fallait écouter les grands médias de la place parisienne, et tout ce qui était à Paris déterminait, pour ainsi dire, l'opinion dominante à l'intérieur de l'Afrique. Il y a donc un décloisonnement et une rupture totale avec cette domination de l'opinion par l'Hexagone. L'opinion est multilatérale. L'Afrique est orientée vers les États-Unis, elle est orientée vers l'Asie, elle est orientée en partie vers l'Europe, elle est orientée vers les grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. L'Afrique est orientée vers l'Amérique latine. Il y a toute une vie africaine qui éclate vers le tout monde, dans des directions qui ne sont plus maîtrisées par les médias traditionnels, et bien de la France coloniale, de la France postcoloniale ou néocoloniale. Alors, l'autre transformation qui a eu lieu, c'est que, en fait, les Africains se sont rendus compte que, à la fois, les modèles de développement économique, les modèles d'organisation politique, qui étaient passés pour presque naturels pour les Africains, parce qu'ils étaient inspirés pour la plupart, en Afrique francophone du moins, de la Ve République française, ne sont pas des modèles universels. Les Africains ont eu le temps de se rendre compte que la démocratie elle-même, c'est le thème d'un mode d'organisation politique qui se réalise sous plusieurs formes. En Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique. En fait, il n'y a pas deux démocraties qui soient une photocopie l'une de l'autre. Les Africains s'en sont rendus compte. Mais il y a un phénomène plus profond qui s'est produit. Les travaux des savants africains, entamés avec le mouvement littéraire de la négritude, notamment dans les années, eh bien, 30, 40, 50, et qui se sont enracinés dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, qui se sont développés dans l'œuvre de Jean-Marc Ella, de Fabien Eboussi-Boulaga, qui se sont développés dans l'œuvre de Vumbi Yoka-Boudimbe, qu'on appelle encore Valentin Yves Boudimbe, de Kwame Anthony Appiah, qui se sont développés dans les travaux de Kwasi Wiredu. Bref, tous ces travaux-là qui étaient marginaux en philosophie, en histoire, en économie, qui étaient marginaux même dans le domaine de l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, tous ces travaux-là sont en train de réoccuper une place centrale dans le tronc fondamental des connaissances élémentaires, des connaissances classiques que les Africains doivent posséder. Les Africains sont en train de récupérer leur mémoire volée. À l'instar des objets d'art pillés par les colons occidentaux, à l'instar de la dent, eh bien, de Patrice Lumumba assassiné, l'Afrique est en train de se reconnecter, de reprendre contact avec le greffon profond de la grande civilisation négro-africaine de plus de 4 500 ans, qui a structuré en fait l'organisation scientifique, culturelle et même politique du monde occidental et du monde oriental. Et cela a échappé complètement aux dirigeants français en particulier et occidentaux en général. Les Africains ne se réfèrent plus à l'antiquité gréco-romaine comme étant l'âge d'or le plus ancien possible de la pensée humaine, l'Afrique est en train de se reconnecter à son tronc civilisationnel continental, ce qui entraîne une bascule sur le terrain de la religion, une bascule sur le terrain de la philosophie, une bascule sur le terrain de la science et une bascule sur le terrain politique. Aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus incongru de dire qu'on peut développer un système politique universel, un système politique digne, en quelque sorte, eh bien, d'appréciation, de considération, qui ne soit pas la démocratie. On retrouve le concept moteur de Marx, renvoyant aux notions de solidarité, de vérité et de justice, au cœur de l'organisation politique la plus durable et la plus spectaculaire que l'humanité ait jamais eue, celle de l'Égypte négro-pharaonique, qui pendant 3000 à 4000 ans a été le phare dans tous les domaines de l'humanité sur la planète et connaissait tous les continents avant Christophe Colomb et ses envoyeurs. Donc, en fait, c'est ce changement, c'est cette révolution, à la fois culturelle, révolution informationnelle, révolution de perspective. L'Afrique s'ouvre à 360 degrés sur le monde autour d'elle, alors qu'elle était à la limite ouverte à 30 degrés sur l'Europe. Et pour l'Afrique dite entre guillemets francophone sur la France, c'est tout cela qui a échappé à M. Macron et à l'ensemble de l'élite politique française, de droite, de gauche, de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Je prends un personnage comme M. Mélenchon, qui est le leader de la gauche, on va dire, radicale en France et qui est aujourd'hui la principale force d'opposition au Parlement français. Lui-même n'est pas allé jusqu'à comprendre qu'un continent aussi important que l'Afrique ne peut pas bâtir son avenir politique, économique, social et culturel en restant prisonnier de l'obligation de parler la langue française. Il n'a pas été capable dans son projet politique d'accepter une Afrique africanophone. Or, en fait, c'est un enjeu fondamental pour l'Afrique du XXIe siècle de récupérer son patrimoine culturel, de le moderniser et de faire reparler ici sur Afrique Média et sur tous les grands médias africains dans les prochaines années, les prochaines décennies, prioritairement les langues africaines, avec au besoin des traductions en langue orientale, en langue occidentale, en langue latino-américaine, en bas de texte, en sous-titrage. C'est cette révolution-là qui échappe complètement à l'actuel président français et à l'ensemble de la classe politique. Et c'est cela qui fait qu'ils n'ont pas compris pourquoi l'Afrique s'est alignée derrière le bloc, en fait, de Shanghai, dans le conflit russo-ukrainien. Pourquoi l'Afrique s'est-elle alignée? Mais parce qu'il y a une possibilité pour la construction de puissances africaines moyennes ou d'une puissance africaine confédérée continentale dans le cadre de la coopération avec la Chine et la Russie. Alors que cette possibilité est a priori interdite dans la coopération avec le grand bloc de l'OTAN. Dans la conception otanienne, le monde doit être unipolaire, le monde doit être perçu comme une pyramide au sommet de laquelle il y a des Blancs, des Européens et plus largement des Occidentaux. Et à la base duquel, bien sûr, il y a les Noirs, il y a les Jaunes, il y a les Rouges et tous les peuples intermédiaires. Or, le combat que mènent aujourd'hui la Russie et la Chine, ce n'est pas un combat pour coloniser les Africains. La Russie n'a pas l'ambition d'installer sa population en Afrique. Elle n'a même pas l'ambition de faire que les Africains parlent tous russe. Pour ça, quelle est donc son ambition ? Quelle est l'ambition de la Russie ? Il s'agit de tout faire pour la Russie et la Chine, pour que l'Occident ne contrôle pas l'Afrique. Car comme l'a dit Zbigniew Brzezinski dans un ouvrage que je recommande fortement aux Africains, le grand échiquier, le grand chessboard, eh bien, les Russes et les Chinois ont compris que si l'Occident venait à dominer complètement l'Afrique, les ressources faramineuses de l'Afrique, qui est le continent le plus riche de cette planète, seront utilisées pour écraser la Russie et la Chine en Eurasie. Donc, c'est dans le cadre du grand duel eurasiatique que la Chine et la Russie ont compris qu'il leur fallait être présentes en Afrique pour équilibrer le rapport de force eurasiatique entre le grand bloc de Shanghai russo-chinois et le bloc occidental otanien. Ce n'est pas par amour extraordinaire des Africains, même si on peut souligner, et c'est la dernière idée sur laquelle je veux sortir, que la Russie et la Chine ont envers l'Afrique un avantage historique et mémoriel. C'est qu'elles ont contribué, cette puissance-là, à la lutte d'indépendance des Africains. Tous les mouvements indépendantistes africains ont bénéficié du soutien de ces deux grandes puissances de l'ancien bloc dit de l'Est, de l'ancien bloc socialiste. Et il y a une trentaine de pays africains qui n'auraient pas connu, eh bien, les processus d'indépendance et de naissance des États souverains qu'ils ont aujourd'hui si ces pays n'avaient pas été notamment assistés par l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Or, toutes les puissances occidentales se sont alignées tout au long du XXe siècle du côté du colonialisme et de l'impérialisme. Et cela, la mémoire historique que l'Afrique récupère aujourd'hui lui permet de le saisir. Ça aussi, M. Macron, et l'élite française n'a pas compris que les Africains ont retrouvé leur mémoire et ils vont la retrouver encore plus longue. Elle va remonter à pratiquement 4500 à 5000 ans d'histoire réelle, comme on est en train de le voir par les travaux de nos savants, les travaux de nos chercheurs en tout domaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.